On dira un mot sur l'envolée largement après, mais moi je propose qu'on fasse d'abord un petit tour de présentation de ces toutes qui sont là. Je te passe la parole. Merci. Donc bonjour, je suis Fatou Dieng, pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, une des sœurs de Lamine Dieng, donc du collectif du comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng, du collectif Vivolé et membre du réseau d'entraide Vérité et Justice, comme tant d'autres. À savoir le collectif Paris Ayodhinapa, le collectif Justice et Vérité pour Babacar Gaye, qui va être présent, les Mutilés pour l'Exemple, l'Assemblée des Blessés également, et d'autres. Donc le réseau rassemble plusieurs collectifs contre les violences d'État et les crimes d'État, les familles endeuillées par rapport aux, dont les membres de la famille ont été tués par les forces de l'ordre, des familles dont les membres de la famille ont été tués en prison par les matons, les surveillants pénitentiaires, également les familles de disparus, donc d'ici et d'ailleurs, et également des mutilés, des blessés. Et le but du réseau, c'est surtout de pouvoir porter la voix des sans-voix, de pouvoir parler d'une seule voix, de pouvoir mutualiser nos outils aussi, de pouvoir organiser en commun des événements, donc à savoir l'événement, la marche concernant les violences d'État, le racisme également, donc chaque mi-mars, et également fin mai, donc c'est une marche nationale, un rassemblement national annuel aussi, par rapport à la condition des détenus, par rapport à contre les violences pénitentiaires, pour la fermeture des mitards. Et ça, c'est à l'initiative de la maman de Idir Médérès, qui a été tuée le 9 septembre 2020 en prison au mitard de Corbas à Lyon. Donc on a aussi, au niveau du réseau, on a mis en commun un agenda des violences policières, des violences des forces de l'ordre, que vous pouvez retrouver aussi sur le site de Désarmons-les. Et voilà, peut-être que je vais passer la parole et je reviendrai sur d'autres choses. Moi c'est Serge et je fais partie des animateurs de l'émission de Radio L'Envolée qui a lieu tous les vendredis soirs à 19h et qui est diffusée un peu partout en France. Voilà. Et ce qui nourrit pas mal le journal. Voilà. Alors moi c'est Mélanie, je suis membre du collectif Mutilés pour l'Exemple, membre du réseau d'entraide Vérité et Justice. Il nous semblait important, pourquoi on a créé ce réseau, quoi, pourquoi est né ce réseau, parce qu'il n'a pas été créé, il allait de soi. Ça allait de soi parce que les violences d'État, elles sont nombreuses. On tue, on mutile, on assassine, on viole, et tout ça sous couvert de l'État. On trouvait important d'être ensemble et de faire front ensemble. Donc ce réseau est né de cette volonté humaine, mais aussi pour comparer, parce qu'il y a des redondances dans les dossiers, et pouvoir mettre des fois juste savoir que ce juge-là, en fait, il a suivi telle affaire et telle affaire, et ben, ça nous ouvre les yeux sur pas mal de choses, et sans ce réseau, on ne pourrait pas faire ce lien, on ne pourrait pas savoir, autant dire et autant dénoncer. On a des collectifs qui nous soutiennent et qui font... qui soutiennent ce réseau. L'Envolée en fait partie. Moi, je rencontre l'Envolée sur Lyon à la marche à l'initiative de la maman Didier. Et j'avais pas encore conscience de cette violence pénitentiaire. Alors, bien sûr, on le sait toujours, mais l'entendre, c'est autre chose. Et donc, en mutualisant comme ça nos luttes, et maintenant, aujourd'hui, à l'international, avec les mamans... alors, je ne vais pas dire le nom mexicain, parce que vraiment, je vais me taper la honte. Mais les mamans mexicaines, en les soutenant, on se rend compte que, cette lutte, elle est planétaire. Et que partout, on souffre. Et que tant qu'on ne mutualisera pas nos luttes, tant qu'on ne sera pas ensemble, eh ben, on n'avance pas. Parce que l'État, les gouvernements aiment les gens esselés. Et ce que fait l'Envolée à mettre en réseau les gens ensemble. Parce que les prisonniers, il n'y a pas plus esselé qu'un prisonnier. Eh ben, c'est fort. Et merci à vous d'être là et de venir entendre ces paroles, ces témoignages, en espérant que, en fait, que chacun d'entre vous en parlera à une personne et que ça fera boule de neige. Et que sur les... Alors, comme disait Fatou, les marches du réseau, ce sont des dates, malheureusement, d'anniversaires de mort, de personnes blessées, de personnes mutilées. Donc, vous les retrouvez sur le site de Désarmons-les. Et ce qu'on aimerait, c'est qu'on soit nombreux à rendre hommage à toutes ces personnes mortes, blessées, mutilées, violées. Donc, on compte sur vous. Sans vous, on n'est pas grand-chose, en vérité. On aura beau hurler, on aura beau s'esquinter, on n'y arrivera pas. Donc, faites passer le message. Et on a plein de trucs, hein, plein de réseaux. Instagram, Twitter, Facebook, on est partout. Voilà, la vérité, vraiment, réseau d'entraide, vérité, justice. Et après, vous retrouvez tous les collectifs. Vous retrouvez l'Envolée, vous retrouvez Désarmons, l'Assemblée des blessés. Et faites tourner. Et merci, merci, merci. Bonjour, je m'appelle Awa Gay. Je suis la sœur de Babacar Gay. Il y a aussi Collectif Vérité pour Babacar à Rennes qui me soutient depuis 2015. Je suis aussi dans le réseau Interaid. Donc Mélanie et Fatou sont presque tout dit. Donc le réseau Interaid, c'était carrière avec des familles des victimes et des blessés et des mutilés et de se battre ensemble. L'Envolée aussi m'a soutenu depuis la mort de mon frère aussi. Du coup, au début, j'étais seule de ma famille ici en France. Je n'ai pas de famille, mais comme je dis, comme d'habitude, je me sens plus seule à cause de tous les soutiens des familles, des collectifs, Envolée, tout le monde qui me soutient. Donc, c'est pour ça que c'est important, nous tous, on se souder, rester ensemble et continuer de se lutter ensemble. Parce que comme ma grand-mère a dit, elle dit qu'un seul bracelet dans la main, il ne fait pas bruit. Donc il faut plusieurs bracelets dans la main pour que ça soit bruit. Donc il faut que nous, on continue de se souder, pardon pour mes Français, il faut qu'on se soude, de se lutter ensemble. Parce que ce n'est pas normal, surtout... On perd la vie, comme le cas de mon frère, qui juste fait une crise angoisse, qui mérite d'aider, soutenir, mais ce n'est pas le cas. La police, quand ils sont arrivés, ils ont tiré sur lui 5 balles, 100 fois, donc du coup, sans aucune raison de le tuer comme ça. Et c'est la même chose que des gens qui sont en prison, qui meurent en prison, il y en a plein. Et qu'on annonce tout le temps les familles que les personnes se suicidaient et que c'est pas vrai. C'est eux qui provoquent tout. Et ils interdisent chaque fois les familles des dossiers ou font un rassemblement pour réclamer la justice. Les femmes aussi qui portent des plaintes dans les commissariats, qui sont mal accueillies et tout. Ça aussi, on ne parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans cet état. Et qu'on ne parle pas beaucoup, et ce n'est pas normal, donc il faut qu'on continue à se battre. Donc du coup, c'est eux plutôt qui sont peur, parce qu'ils savent qu'on est nombreux, si on se réunit ensemble, on est plus nombreux qu'eux. Donc il ne faut pas hésiter, il faut aller vers les familles des victimes aussi, pour savoir des choses, parce que c'est la galère, comme les mutilés, pour se soigner. Donc voilà, merci. Je vais juste dire un mot là, parce que tout à l'heure j'étais un peu confus, mais pour définir, là on parlait de l'Envolée, donc le numéro 52 donc, a été censuré par l'administration pénitentiaire, c'est important de le dire, pour tout un dossier qui concerne donc, des violences commises par des surveillants pénitentiaires qui ont conduit à la mort de plusieurs prisonniers. Voilà, donc en l'occurrence, bon, l'administration pénitentiaire ne supporte pas du tout qu'on en parle. Donc, il a été censuré en détention et une plainte a été déposée donc, par l'administration pénitentiaire contre le journal. C'est pour donner un peu l'état d'esprit, pour montrer un peu, on s'inscrit un peu dans tout ce qui vient d'être dit. C'est pareil, on essaie de se faire le relais un peu aussi en tant que média un peu de tout ce qui se passe. Quoi. Voilà. Deuxième élément, un peu aussi pour dire quelque chose un peu sur l'envolée. On se souvient du premier jour du confinement dans les prisons. Le premier confinement, hein, je parle. Les parloirs ont été coupés. Et c'est vrai que l'envolée, collectivement, on s'est dit qu'on allait faire une émission quotidienne pour les prisonniers quoi, à ce moment-là. Donc voilà, c'est aussi l'envolée. Ça prend un peu toutes les formes qui sont un peu nécessaires pour donner de la voix aux luttes, aux gens qui résistent en prison, pour faire face à cette condamnation à mort qu'est l'institution pénale. Ça, on aura le temps d'en parler. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Pierrot, je fais partie aussi de l'envolée depuis quelques années. Dire juste oui, c'est la particularité de la période là, qui est pour nous une drôle de période, mais une chouette de période en fait, parce qu'elle permet énormément de rencontres, malheureusement souvent dans des situations évidemment tragiques, mais ça a toujours été ça d'une certaine manière. La violence d'État ne date pas d'hier. Les crimes d'État datent pas d'hier, on le sait bien. Mais le fondement, exactement comme tu disais, le fondement, c'est l'isolement dans ces histoires-là. Et au cours des 20 dernières années, parce que l'envolée, ça fait 20 ans que c'est une émission de radio hebdomadaire et un journal, à l'antenne se sont succédés des familles, se sont succédés des proches, de gens qui perdaient des membres de leur famille, qui se faisaient tuer par la police ou tuer par l'administration pénitentiaire. Et puis aussi, pas que des proches, mais aussi des prisonniers et des prisonnières, parce que c'était ça, c'est là d'où vient ce journal et cette émission de radio. C'est des gens qui poursuivaient une discussion entre eux à l'antenne sur ce qu'ils vivaient à l'intérieur. Et ce qu'ils vivaient à l'intérieur, c'était à la fois énormément évidemment de violence de l'administration pénitentiaire, parce que la prison repose sur la violence de l'État, mais aussi beaucoup de solidarité, quoi. Et en 20 ans, c'est autant de luttes que d'écrasement. C'est autant de gens qui se bagarrent et qui arrivent à faire converger leurs histoires. Mais à l'extérieur, à chaque fois que l'administration pénitentiaire se retrouvait face à des familles qui dénonçaient le fait que leurs frères, leurs amis, leurs fils, leurs frangins, leurs sœurs, parce que les femmes meurent aussi en prison tous les jours, enfin tous les trois jours officiellement une personne meurt dans les prisons françaises, c'est des statistiques, ça ne veut pas dire grand chose, hein, parce que ça, on oublie les vies et la réalité des histoires quand on dit ça, mais ça veut dire des centaines de gens par an en fait, c'est ça que ça veut dire. Sauf qu'à chaque fois il y a eu des tentatives de convergence où les familles se mettent ensemble, essayent de s'organiser, où les prisonniers aussi essayent de s'organiser et les proches à l'extérieur. Et là ce qui s'est passé, c'est que enfin pour nous, une espèce de rencontre un peu dingue, grâce au réseau Vérité Justice, qui fait un boulot de rencontre et d'entraide, en fait, à la fois matérielle, à la fois judiciaire et à la fois même psychologique, de soutien et stratégique, enfin tout ça à la fois, et qui finissent par... en fait, par intégrer aussi à ces histoires, à franchir le mur de la prison et à dire ce qui se passe dehors et ce qu'on vit dehors. En fait, des gens le vivent aussi à l'intérieur et des familles et des gens meurent à l'intérieur. Et cette rencontre, elle se fait pas de manière théorique, elle se fait pas même pas par le biais de l'envolée. Pour le coup, elle se fait par le biais de rencontres de familles qui se bagarrent, quoi, en fait. Parce que quand quelqu'un meurt en prison, et je veux juste finir là-dessus, il y a plusieurs choses qui sont nécessaires pour que cette pour éventuellement que les gens puissent s'en saisir et se battre contre cet état de fait. C'est évidemment que la famille et que les proches à l'extérieur aient envie d'obtenir la vérité sur ce qui s'est passé. Tu parlais de l'autre soir, peut-être t'en parleras là, du rapport à la justice, qui est encore un peu autre chose. Mais pour obtenir la vérité, mais il faut aussi que des gens prennent des risques à l'intérieur de la détention pour sortir ces informations. Et ça, c'est un truc qui est un peu important à comprendre et qui est un petit peu différent entre derrière les murs et à l'extérieur des murs. C'est que n'importe quelle prise de parole à l'intérieur de la détention, elle est interdite. Elle est interdite légalement. C'est-à-dire que les prisonniers et les prisonnières à l'intérieur n'ont pas le droit de citer globalement, ils n'ont pas le droit de prendre la parole, ils n'ont pas le droit de s'organiser, ils ont encore le moins le droit de faire un blocage de la cour de promenade ou de sortir un communiqué pour dire que quelqu'un s'est fait tuer dans le mitard à côté d'eux. Non seulement ils n'ont pas le droit de le faire, ou elles n'ont pas le droit de le faire, mais ils et elles prennent beaucoup de risques en le faisant. Et ces risques, ils sont de plusieurs ordres, ils sont d'ordre disciplinaire, c'est-à-dire que tu te retrouves à dénoncer une équipe de matons violents qui a tué quelqu'un au mitard, et bien en fait, la première des sanctions qu'on va te mettre, ça va être te mettre dans ce mitard, en fait. Du coup, tu vas te retrouver directement entre les mains des gens que dont tu as dénoncé la violence la veille. Donc ça, c'est une première prise de risque. La deuxième prise de risque, elle est d'ordre judiciaire, parce qu'en fait, du coup, on va faire tomber, on va faire en sorte que cette personne se retrouve avec d'autres plaintes, et conduire du coup à des peines, ce qu'on appelle des peines intérieures, c'est-à-dire tu vas à l'intérieur, tu vas être extrait, tu vas passer devant un tribunal pour un outrage, pour une violence, etc. Parce que ça, c'est un truc qui s'est énormément, qui a explosé dans les dernières années, c'est les plaintes, exactement, et là c'est assez similaire avec la police à l'extérieur, c'est les plaintes de surveillants pénitentiaires. Et en gros, ils considèrent qu'ils sont assez mal payés, et du coup ils vont se faire leur 13e mois en portant plainte au tribunal, ce qui arrivait moins il y a 10-15 ans, même au tout début de l'envolée, c'était vachement moins le cas. Là, on n'arrête pas d'entendre des histoires comme ça. Et ça veut dire que ça se transforme en, non seulement en argent pour eux, bon, ben, ça pour les matons, mais ça se transforme en mois de prison supplémentaire et en années de prison supplémentaire pour les prisonniers et les prisonnières à l'intérieur. Donc, ce qui fait que les peines s'allongent et que... Et que des gens se retrouvent à taper des peines infinies, encore plus qu'avant, à l'intérieur des prisons. Mais ça, si la discussion nous amène à parler de ça, on racontera aussi pourquoi on parle de peine de mort à cet endroit-là. C'est un risque disciplinaire et du coup, parfois un risque physique que les gens risquent. Du coup, ces paroles-là, il faut leur donner beaucoup d'importance et nous, on essaye juste de les faire entendre le plus possible à l'extérieur et dire à quel point c'est des paroles qui sont risquées, des paroles politiques, des paroles courageuses et des paroles de solidarité. Dans le bouquin ou dans tous les numéros du journal, l'essentiel des témoignages ou de ce que racontent les gens, il y a peut-être un tiers de gens qui parlent d'eux-mêmes. Les trois quarts des histoires, c'est des gens qui racontent des histoires qu'ils ont vues, qu'ils ont entendues ou des histoires de solidarité collective et de gens qui se sont bagarrés ensemble. Quoi. Exactement ce qui se passe à l'extérieur dans les histoires. Et nous, on essaye juste de les mettre bout à bout pour essayer de faire voir, en fait, au monde soit des personnes soi-disant libres à l'extérieur, qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de... Il y a effectivement beaucoup de violence, mais il y a beaucoup de solidarité. Oui, Pierrot parlait de solidarité collective au niveau des familles ou des blessés. C'est vraiment cette solidarité. C'est ce qui fait qu'on est encore debout, qu'on puisse continuer à lutter. Parce que quand on est victime de l'État, la loi ne s'applique pas. Donc c'est vraiment aux victimes, aux familles de faire tout le boulot. Donc à savoir faire par exemple une contre-enquête, de faire une contre-autopsie, de faire tout ce boulot d'enquête ou autre pour révéler la vérité. Parce que ce soit les victimes tuées, c'est toujours la criminalisation. Au niveau des prisons, c'est la même chose aussi. Et en prison, voilà, c'est au niveau... On n'entend pas la voix des détenus. Donc c'est sous silence. À l'extérieur, c'est pareil aussi. Les grands médias ont toujours méprisé les familles de victimes, ont toujours méprisé les victimes, les blessés, les mutilés. Et par rapport à la prise de risque des détenus, ces témoignages de détenus sont toujours... Ces détenus, quand ils sortent quelque chose, c'est toujours un risque pour eux, dans le sens où ils peuvent être mis au mitard ou tabassés ou autre. Ben, à l'extérieur, c'est pas tout à fait pareil. Parce qu'à l'extérieur, bon, on a quand même cette capacité de pouvoir se protéger des forces de l'ordre. C'est pas comme si on était emprisonné et que là, qu'ils ont vraiment tous les droits sur ces détenus. À croire que du fait qu'ils sont détenus, qu'ils sont en prison, que du coup, on a vraiment tous les droits sur eux, c'est quelque chose qu'ils méritent. À l'extérieur, c'est ce qu'on ressent aussi par rapport aux victimes tuées, c'est que ces victimes, l'État les rend responsables de leur propre mort. Donc c'est encore aux familles de pouvoir dévoiler tout ça. On n'est même plus en quête de justice, on est plutôt en quête de vérité. Parce que c'est cette vérité-là qui peut laver l'honneur, qui peut humaniser les victimes tuées, qui peut aussi humaniser les victimes blessées. Donc voilà, donc la parole des victimes est très importante pour justement... démonter ces mensonges qui sont mis en place par les gardiens de la paix jusqu'au plus haut gradé. C'est que sur du mensonge que leur défense se construit, quoi. Donc souvent, au niveau des jeunes, les jeunes restent dans une fatalité quand ils sont contrôlés, quand ils sont malmenés dans les quartiers, quand ils sont humiliés, ils sont insultés, ils sont déshumanisés. À croire que voilà, que quand on est de quartier, qu'on a ce profil de jeune de quartier, donc tout est permis. Donc c'est à dire aux jeunes aussi qu'ils ont des droits, donc il faut faire valoir leurs droits, de ne pas rester dans ce truc en se disant c'est normal qu'ils nous traitent de cette façon-là, que du fait que voilà, on est de quartier, on est issu entre guillemets, de l'immigration, qu'on est noir, rome, arabe, enfin toutes les personnes non blanches sont susceptibles d'être de subir des violences, d'être tuées aussi. Ça ne s'arrête pas que à cette population-là aussi. Il y a une discrimination par rapport à la précarisation aussi, donc à savoir cette stigmatisation au niveau des blessés, des mutilés, des gilets jaunes. Donc à savoir que quand on descend aujourd'hui dans la rue pour faire valoir ses droits, on risque de se faire mutiler aussi. Juste pour me présenter, moi c'est K. Je fais partie de l'équipe de l'Envolée aussi, et une chose que je voulais juste rajouter par rapport à ce que tu viens de dire, Fatou, concernant l'Envolée, en disant qu'on est un média indépendant. Alors moi j'ai du mal à qualifier l'Envolée de média indépendant, mais c'est vrai, enfin, en soi on est un journal qui sort et on met ce qu'on veut bien mettre dedans, mais il y a aussi que l'Envolée a une histoire, qu'elle a été créée par des anciens prisonniers, des anciens proches de prisonniers. Et que nous, même si on parle de tout ce qui se passe en prison, donc aussi des morts et des blessés et des histoires dégueulasses, on donne la parole surtout aux vivants. Et nous, c'est beaucoup ça qu'on fait. Et l'Envolée, c'est pas qu'un journal de bagarre, mais c'est aussi un journal d'opinion. Enfin, pour moi, c'est très important de rappeler que l'Envolée, c'est l'endroit où les personnes qu'on a enlevées de la société, à qui on a enlevé pour ceux qui sont des longues peines, le droit d'avoir une place quelque part ou d'avoir la parole quelque part, et qui n'ont pas le droit de s'organiser, de faire une pétition, de faire quoi que ce soit à l'intérieur qui soit de l'ordre de l'organisation collective, de pouvoir au moins donner leur avis et d'échanger aussi entre différentes prisons. Après, c'est vrai que le papier, maintenant on peut se dire c'est un peu obsolète, tout le monde a un téléphone et tout. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est ce qui reste et c'est ce qui rentre encore en prison, contrairement à un téléphone qui va être forcément interdit, même si on a un téléphone en prison, même si à un moment donné, il a pu rentrer, il a pu circuler, etc. C'est quand même ce qui permet que... Enfin, c'est un outil de parole qui reste, et je pense que c'est ça qui est très important à comprendre. Et même si on peut se dire en feuilletant l'Envolée que c'est un peu badant d'entendre tous ces prisonniers et prisonnières qui viennent de centres de rétention, comme de prison, comme d'hôpital psychiatrique, parce que c'est aussi tous les lieux d'enfermement. En fait, c'est une parole qui n'y a presque nulle part, et c'est une manière de créer une discussion avec l'intérieur, mais aussi entre prisonniers et prisonnières. Moi, en tout cas, faisant partie de l'Envolée, je ne me considère pas comme une journaliste de médias indépendants. Je suis la pote de gens qui sont à l'intérieur et qui relayent leurs paroles et celles de plein d'autres, surtout. Voilà. Non, puis ouais, juste pour ajouter un truc, l'émission de radio, elle est là pour relayer les luttes, mais aussi, le journal aussi, mais aussi y participer, en fait. Par exemple, là, vendredi soir, il y a des gens du CRAD Vincennes qui nous ont appelés, là, pendant 35 minutes, pour nous raconter ce qui s'était passé, une lutte collective qu'ils avaient fait. Donc, il y avait un de leurs potes qui allait se faire renvoyer. Voilà, ils se sont foutus à 11 dans une cellule. Ils ont bloqué la porte et puis ils ont commencé à dire « Si vous nous filez 1 million d'euros, on laisse sortir T. Si vous nous balancez des pizzas et des pâtes, on vous laisse sortir T. » Voilà. Et donc ils ont commencé à essayer de bourriner les keufs dans les CRA, donc les centres de rétention administrative, donc les prisons pour étrangers. C'est des c'est des policiers qui sont à l'intérieur. Ils ont essayé de bourriner, tout ça, ils n'ont pas réussi. Et tout compte fait, ils ont envoyé une équipe avec du matos et tout ça, parce qu'ils pouvaient pas y aller à la meuleuse, parce que sinon ils allaient blesser les gens dehors. Et donc ils ont envoyé tout le monde en garde-ave et ils ont défoncé tout le monde en garde-ave. Et il y a la personne qui devait être expulsée qui se retrouve aujourd'hui en prison, et les autres, ils ont été dispatchés dans plein de CRA, donc toujours cet isolement. Et pendant cette émission de radio, en fait, on entendait bien, en fait, ils étaient 10 derrière le poste, et puis ils voulaient tous parler et tout ça, enfin voilà. Et pour nous, c'est important qu'il y ait ce moment-là, où ça va être à la radio, mais ça veut dire aussi que derrière, les gens, ils vont continuer à discuter après ça, l'émission, enfin les gens nous ont rappelé après, pendant toute la soirée et tout. Et pour nous, c'est aussi un outil de la lutte pour les gens, et pour les CRA, ça a été particulièrement important depuis 3-4 ans, où en fait, ça a permis aux enfermés de différents CRA de dialoguer ensemble. Et voilà, et ça a été aussi un outil de lutte. Et ça fait aussi partie des objectifs. C'est pas seulement que pour être un relais de la parole. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Fatou sur le mouvement des Gilets jaunes. On a été un mouvement social qui a été fort réprimé par la répression policière, mais aussi judiciairement. Encore aujourd'hui, des camarades tombent pour des affaires qui datent du 1er décembre, du 16 mars. Ils n'ont pas fini avec ce mouvement social. Et donc, on a des camarades en prison. Et voilà, quoi. Leur but de nous isoler, ils y arrivent comme ça. On s'appelle les mutilés pour l'exemple. Parce que, en gros, je ne sais plus qui le dit, mais il y a quelqu'un qui l'a dit, et on pense que c'est très juste, que pour une personne mutilée, 1000 personnes rentrent. Donc, c'est un exemple qu'on sert d'exemple pour vous faire rentrer chez vous. C'est pour ça aussi que c'était important pour nous, pour ce collectif, d'être toujours en lutte, d'être présent partout, pour dire non, rentrez pas chez vous, parce qu'en fait, quand on est sorti, c'était pour plus de justice sociale, fiscale et climatique. Et ben en fait, on n'a pas du tout avancé. On a même reculé. Et on n'est pas bon. On en chie et pas que nous, et partout. Et partout. Les supporters de foot, ils en chient. Ils se prennent des LPD, ils sont interpellés. Là, ils sont en train, quoi. Ils ont été privés pendant un an et demi de stade, les mecs. Donc bon, là, ils sont un peu chauds, ils vont sur la pelouse, quoi. Ils l'ont pas senti pendant un an et demi, la pelouse. Du coup, ils montent sur la pelouse, et là, les gars, ils sont en train de tomber les uns après les autres. Et peut-être qu'il y aura des peines de prison, parce qu'à un moment donné, ils ont été sur une pelouse, quoi. Je sais pas si on voit un petit peu le décalage de la vie, quoi. Juste, ils ont, voilà, d'un moment de joie, d'une teuf. Par exemple, à Redon, d'une teuf, quoi, des jeunes qui sortent pour faire la fête, eh ben, aujourd'hui, on va les réprimer salement, on va leur tirer dessus, mais aussi, on va les mettre en prison. On va saisir leur matériel. Et quoi, comme moi, la seule lecture que j'en ai, c'est d'isoler les gens comme ça. Ben, plus on est seul, moins on les fait chier, quoi, et plus on dit OK, on dit amen, le pass sanitaire, tout ça. Quoi, voilà. On n'en parle jamais. Mais quand on impose à des familles de se faire vacciner pour aller visiter leurs frères, leurs pères, leurs sœurs, leurs mères, ben c'est juste en fait... Ouais, encore isolant. Pardon, je me perds. On est dans une vraie mauvaise période, quoi. De vrai isolement social et... Ces moments-là, ils sont super importants. Comme moi, je prends l'éducation populaire et je souris beaucoup, beaucoup aux gens dehors, même si on porte le masque et tout, je souris. Et quand je capte un regard, et ben, je parle avec les gens. Et je vous amène à même si il y a beaucoup de pourris, quoi, mais je vous invite à le faire, quoi, même si ça saoule les gens, peut-être. Mais putain, créons du lien, quoi. Moi, je voulais dire qu'il y a vraiment une continuité, en fait, de la déshumanisation, quoi. Enfin, je veux dire, ce que vous racontez, ça commence dans la rue, et puis après, ça continue au commissariat, après, ça continue dans la prison, c'est pas terminé, ça continue encore. C'est-à-dire qu'on peut, On peut encore être encore plus isolé, la prison isole de la société, mais on peut encore être isolé dans la prison encore, jusqu'au quartier disciplinaire, jusqu'au quartier d'isolement. Et ça, cette dynamique-là, c'est ça qu'il faut essayer de casser. J'ai envie de vous lire une petite lettre quand même. On est là aussi pour entendre un peu d'autres qui sont pas là avec nous aujourd'hui. J'ai envie de vous lire Sam qui est au quartier d'isolement de Villepinte. Donc c'est une lettre qui date de 2020, qui parle justement des quartiers d'isolement. Donc le quartier d'isolement, le QHS, le quartier haute sécurité, appelez-le comme vous voulez. Je vais vous donner ma définition de l'isolement. Tout y est réuni pour perdre ce qu'on appelle la raison. Avant d'être enfermé ici, je ne me doutais même pas qu'un jour, je questionnerais mon esprit pour lui demander s'il va bien et combien de temps il pourrait encore résister sans devenir ce qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir être. On parle de folie, de rage, de colère, de haine, mais surtout d'abandon. T'as beau monter, descendre, crier, taper, faire ce que tu veux, il n'y aura rien qui changera. Rien que ce raisonnement, il est déjà malade. Dépourvu de raisonnement, la seule chose qu'on souhaite, c'est tout brûler, mettre en cendre cette politique froide et silencieuse. Des jours et des jours où votre seule préoccupation est de vous définir un quotidien. Mais jusqu'à quand ? L'isolement, c'est la folie, l'absence totale d'humanité. Je ne demande pas la suppression des prisons, mais la fin d'un monde où votre existence est systématiquement remise en question. Vous savez ce que c'est une promenade en isolement ? 10 mètres en longueur par 5 mètres en largeur. Un plafond doté d'un grillage, puis de barreaux, et pour finir, sur des barbelés. Et derrière tout ça, dans chaque espace entre ces morceaux de fer, se trouve le ciel. Certaines personnes aimeraient partir en vacances, d'autres avoir un nouveau taf, des enfants, une voiture. Moi, j'ai même pas envie de sortir de prison. Je veux juste voir le ciel. Ça. Dans cet extrait, il parle des quartiers d'isolement et donc des QHS. Les QHS, c'était les quartiers haute sécurité qui existaient jusqu'à l'arrivée de la gauche de gouvernement en 81, qui ont été remplacés par les QI. C'est exactement aux mêmes endroits, etc. Et c'est ceux sur lesquels la prison tient. C'est-à-dire que c'est là-dedans que l'administration met les têtes dures et les gens qui se révoltent, s'organisent ou contestent le sort qui leur est fait, ou qui tentent de s'évader. Donc c'est le bout du bout du bout du bout, de notre bout en fait, mais c'est notre bout et il faut le prendre aussi par ce bout-là. Et nous, c'est important de prendre et de relier en fait toutes ces... passer notre temps à faire cet aller-retour là entre l'extérieur, le contrôle dans la rue, les luttes sociales, et puis le bout du bout de l'enfermement, quoi. C'est ce qu'on essaie juste de faire, et c'est pour ça que c'est génial aujourd'hui de pouvoir le faire comme ça ensemble, je trouve. Et ce qui est fou, c'est que si on regarde juste l'histoire de ces quartiers de haute sécurité, donc de ces QI qui avant s'appellent QHS, les QHS, ça résonne vraiment avec ce qu'on fait tous et toutes là ce week-end. Ils sont créés au début des années 60 pour enfermer des prisonniers algériens dans les prisons françaises. Et c'est une espèce d'angle mort. Bon, évidemment, l'histoire coloniale de la France, c'est un angle mort. Mais alors, l'histoire des prisons de la France à l'égard de tous ces gens qui se bagarraient à l'époque, c'est encore plus un angle mort. Donc, pour en parler un petit peu. En gros, énormément de prisonniers algériens s'organisent dans les prisons françaises entre 56 et 61-62. Et Fresnes se retrouve à être une prison qui regroupe jusqu'à 3000 prisonniers. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont quasiment transformé l'intégralité de la prison de Fresnes en prison pour Algériens, pour casser le mouvement qui se passait à l'extérieur. Mais ça s'est retourné en grande partie contre l'État français à ce moment-là, parce qu'en fait, beaucoup de gens en fait, se sont organisés en prison, se sont éduqués, auto-éduqués, formés politiquement, et ont construit une conscience politique de la lutte qui passait aussi par la prison, c'est hyper important. Et avec la dite fin de la guerre, beaucoup de prisonniers sont sortis, et puis il y a un certain nombre de têtes dures que l'administration ne pouvait pas casser, qui ont gardé en fait, et ils ont construit, donc c'était à Beaune, le premier qu'ils ont construit, ils ont petit à petit quitté les détentions générale pour pas que l'esprit de révolte se contamine et se partage trop à l'intérieur aussi et qu'il y ait trop de convergence avec d'autres prisonniers dits de droit commun. On ne fait pas de distinction. On considère en fait que la politique, elle traverse en fait aussi bien les gens qui se disent militants et les gens qui ne se disent pas militants, en fait, que la politique, elle est ailleurs. Mais en tout cas, à l'époque, il y avait un statut et l'idée, c'était que les gens ne se parlent pas, en fait. Ils se parlent très peu. Ce qui se reproduira un petit peu dans les années 70, plus tard, avec plutôt des prisonniers gauchistes. Et du coup, là, les prisonniers algériens, ils les ont foutus dans des premiers QHS. En fait, ils ont créé donc ces prisons dans la prison sous forme de quartier complet pour où chaque prisonnier se retrouve plus en contact avec ses pairs et puisse plus s'organiser et gueuler parce que ce qui s'est passé... Mais vraiment, il faut imaginer que dans les années 60, quand vraiment... Après la grève de la faim de 59, une grosse grève de la faim qui a duré 17 jours, interrompu 5 jours, puis après qu'ils ont recommencé pendant 13 jours, c'est des centaines de personnes qui font la grève de la faim en France, enfin de prisonniers algériens en l'occurrence, FLN et MNA, différentes composantes. Ils se retrouvent, ils font une grève de la faim et ils obtiennent en fait une capacité de circulation dans les couloirs, d'auto-organisation, de partage des pécules entre les gens. En gros, l'administration enlève son nez de ce qui se passe parce que c'est un vrai bordel ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Et ça, c'est une expérience, enfin, c'est un moment historique qui est vraiment, c'est un moment historique assez dingue, qui est assez peu partagé, hein, dont on parle assez peu. Et pourtant, nous, du point de vue de la prison, parce que c'est par là qu'on regarde, en fait, nous, le reste du monde. Hein. C'est quand on dit qu'on a un point de vue anticarcéral, ça ne veut pas dire... c'est pas un point de vue idéologique et théorique, c'est qu'on regarde le monde depuis cet endroit-là, quoi. Et quand on le regarde depuis cet endroit, à cette période-là, bah, on se rend compte, bah, on regarde bah, voilà, la France coloniale, on regarde la France capitaliste, la France qui écrase tous les gens qui se révoltent à ce moment-là. Et dans les années 70, bah, les luttes, très souvent, elles partiront de ces quartiers-là, en fait. Des quartiers où on a enfermé les têtes dures, où on a voulu les isoler encore plus les uns des autres, mais ça marche jamais tout à fait, en fait. Et il y a toujours des gens qui, à cet endroit-là, alors que c'est le bout du bout de la déshumanisation, qui trouvent le moyen de retrouver de la ressource pour aller se bagarrer, etc. Donc c'est vrai à la fin des années 70, donc dans tous ces QHS, et c'est vrai après dans les quartiers d'isolement, dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000, et jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et là, dans le bouquin qui est là, il y a des textes qui datent des années 80, assez peu, surtout des textes des débuts des années 2000, et puis des textes à 20 ans d'écart, quoi. Et les populations changent, c'est-à-dire que c'est plus les mêmes personnes, de fait, parce que les années passent, qui sont à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois, c'est les mêmes dynamiques qui repartent, et c'est les mêmes luttes qui repartent aux mêmes endroits, etc. C'est pour dire toujours ce truc un peu quand même d'aller-retour entre... l'écrasement, la volonté d'écrasement par l'État, et puis en fait le fait que ça repart toujours, et il y a à chaque fois des gens, et il y a une histoire à transmettre de ce truc-là, et de ces bagarres, et à se nourrir. Et là, faire des allers-retours entre les luttes, et les pans de la lutte qui sont complètement séparés entre le mouvement social, entre les luttes des immigrés, les luttes gauchistes, les luttes etc., de toutes ces années-là. En fait, la prison nous donne un exemple où en fait, toutes ces luttes, en fait, elles se croisent, elles passent leur temps à se croiser, et ça fait 40 ans, on ne les regarde pas trop, mais ça fait 40, 50, 60 ans qu'elles se croisent en permanence aussi à l'intérieur des prisons. Et du coup, voilà, pour dire qu'il faut réussir à considérer ce qui se passe en prison comme ce qu'on considère ce qui se passe dans la rue, comme ce qu'on considère ce qui se passe aujourd'hui ici. C'est-à-dire qu'il faut le regarder comme des endroits où la violence d'État, elle est évidemment... elle fait plus que se manifester, c'est cet endroit. Mais en même temps, c'est des endroits où les luttes sociales se mènent très très fort et continuent en permanence et sont jamais croisées, et où les gens se croisent, en fait, et ça discute, et ça se bagarre. C'était un aller-retour historique, je suis désolé. Oui, je suis dans les grands passés au niveau de Rennes, parce qu'aujourd'hui, il y a une manifestation devant les prisons des femmes à Rennes. Donc, je pense de ça beaucoup. Et c'est pour ça que j'aimerais bien rendre hommage à eux, profiter à parler de ça un peu, pour dire que force à eux, et je suis en grande pensée à eux, avec les collectifs 8 décembre et collectif Nous Toutes 45 à Rennes. Et parce qu'effectivement, surtout les femmes aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait une camarade à Rennes qui se trouvait en prison de Paris, directement à Paris, pendant 4 mois, sans aucune raison, et parce qu'on l'a accusé un acte de terrorisme, machin, et que sans aucune raison, il a fait 4 mois en prison, et ça, c'est pas normal. Je pense beaucoup à elle, et de le dire force à vous, et force à nous aussi, parce que, comme je dis tout à l'heure, on est tous ensemble, il faut qu'on continue de se lutter. Personne n'a pas mérité, c'est qu'on subit. Aujourd'hui, depuis longtemps jusqu'à maintenant, personne n'a pas mérité. Que ce soit le cas de Babacar, que ce soit le cas des autres personnes. Pour moi, il n'y a pas aucune différence entre couleur de peau. On est tous pareils. Donc voilà, merci. Oui, comme Awa disait, donc aujourd'hui personne n'est à l'abri d'être en garde à vue ou autre, parce que ça peut très bien être suite à une manifestation, au cours d'une manifestation, comme ça peut être aussi tout ce qui peut être délit mineur pour une personne blanche. C'est le traitement est différent quand il s'agit d'une personne non blanche. Ce qui est un délit mineur peut être très beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus grave, quoi, quand c'est des personnes qui ne sont pas de couleur blanche. Et surtout au niveau des prisons, c'est rempli de petites délinquances, de petites choses, quoi. Et donc c'est ce qui fait aussi que souvent c'est un cercle vicieux, on rentre là-dedans pour un petit délit et finalement les peines se rallongent et ainsi de suite. Et quand on parle de peine de mort, nous, concernant l'extérieur, nos frères ont été tués brutalement, que ce soit concernant le cas de Lamine par clé d'étranglement et plaquage ventral, Babacar Gueye, c'était par balle, Olivio, qui est décédé le 17 octobre 2020, c'est par balle également. Donc c'est... je ne sais plus ce que je voulais dire... Oui, c'est surtout que donc eux sont tués brutalement et nous, au niveau des familles, c'est plutôt une mort lente, quoi, parce que c'est par rapport à la lenteur judiciaire, donc on meurt à petit feu. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Et par rapport aux morts à l'intérieur, il y en a toujours eu beaucoup, mais à souligner quand même, par exemple, dans les dernières années, il y a beaucoup de familles qui ont décidé de se battre, en fait. Et pour moi, c'est ça un peu la différence avec les années d'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà d'autres gens qui se sont battus avant. Il y a plein de gens qui se sont battus. Mais si on se rappelle aujourd'hui du prénom de Jimoni, de Sambali, de Taufik, de Idir, etc., c'est parce que les familles... Bon, c'est parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui ont témoigné et qui, eux, sont vivants et sont encore enfermés. Mais c'est aussi parce que les familles et des soutiens ont décidé d'appuyer... de faire en sorte qu'on entende ces crimes d'État et qu'on en parle, en fait. Et du coup, c'était juste pour souligner ça et pour aller dans le sens de Fatou, juste quand on entend les prénoms, oui, c'est surtout des Noirs et des Arabes et des voyageurs qui écrivent à l'envolée, avec qui on écrit, avec qui on est, et surtout qui meurent en prison. Enfin, c'est une réalité. Et donc, c'est aussi parce que c'est beaucoup de ces personnes-là qui sont en prison. Voilà.